Regarde comme nous avons peur de la mort. C'est la nouvelle pornographie. La nudité ne choque plus personne. On met des feuilles de vie aux agonisants. Et on les momifie dans des mouroirs, loin de tout, loin de tout. J'annonce la couleur du projet, mon aquarelle sur les prosos. Quelques phases en guise de crochet, j'arrive pour déjouer les pronos. Marne et scène, talent pur, sois en sur remballe tes 16. Rime obscène qui tape dans le dur, solide comme un combattant scène. Souvent à l'ouest, je me perds, désaxé, une vie de bipolaire. Une salante qui soudaine, je suis embrumé dans mes spliffs de pollen. Alors j'ai pris le temps de faire cet album avec mon cœur et mes couilles. À suivre ma voix sans peur, faire parler toute ma rancœur et mes doutes. J'essaye de faire la part des choses, pris de cours. J'ai pris des coups, je pensais me connaître, même à 30 piges, bah je me découvre. J'ai manuellement chaque coup de hache, troublé de ce que mon art ramène. Bernard Eric Antoine, ma carte est blanche comme celle de H.A.M. La carte disait faut que je me relève comme passe dans Star Wolfsburg. L'élixir éternel, le chétan, les arbres, tous ces merdes. Encore un son sans queue ni tête. Il me semble que mon art sombre te prédit l'être. Humain que je suis face à ce qu'ils veulent nous faire devenir. Une belle façade sans autre avenir. Pierre fat, délire de sport. Parfois je rêve d'un vaisseau colossal. J'écoute la voix des âges. C'est comme une boulette qui colle au sable. Déstructuré, je le suis complètement. Un puzzle de 20 mesures. J'allume mon spliff entièrement. Un peu seul et très peu sûr. Je crois pas que c'est troublant ce que je dis lorsque je kick en deux spies. On dit les temps quand les sous-manques mon inspire prise mon esprit. Tant qu'il est temps faut que le ton monte. Tu sais je m'en fous qu'on m'idolâtre. Viens je t'invite dans mon monde à voir sectaire. Mais au pelle des larmes. Parfois ça fume, parfois ça traîne et traite quand ça consume. Pense à mes consoles, mes cartes du vrai. Quand le mal je conjure, ma vie se conjugue à une troublante dose de risque. Ou pleurer, rire sans livre, mélange de cris. Écoute ma prose te dire tout le mal-être d'un homme et d'une humanité. Où le délitre et guise d'esprit font guise de spiritualité. Bah ouais, toujours la même rentrée. Entre patrie faible et gars qui sautent. Posé, Air Max légendaire. Entre gars qui se perdent et gars qui zo. Je me laisse pas porter par le vent. Contraire à tout ce qu'ils veulent nous faire entendre. Je te crache la boule de haine que j'ai dans le ventre. J'image ça, sanglant et sans sang. Fait divers au sang, tu fais 10 secondes au sang. Alors que ma plume se fait un sang d'encre. Je garde mes distances. Creuse info, c'est même. Touche pas à mon rap, tu me mélanges pas. C'est n'info, c'est l'air. J'exprime les sentiments d'un homme qui vit sa vie comme il entend. Qui déblatère tout seul au fond d'un rhum aux mille caprices d'enfant. Vulgatrice d'au fond, je sers de la rime comme un immense chantier. L'homme aux mille questions et aux réponses est engendré. Les sentiments d'un homme qui vit sa vie comme il entend. Qui déblatère tout seul au fond d'un rhum aux mille caprices d'enfant. Vulgatrice d'au fond, je sers de la rime comme un immense chantier. L'homme aux mille questions